Je suis Lia et je suis en direct avec toi dans l'odeur du son. Tu nous écoutes sur le 107FM ou depuis les applis gratuites Radio Line ou Orange Radio ou bien encore depuis notre site internet. Attention, sors ton crayon et ta feuille, c'est très très long. https://radiogemozo.radio-website.com. Nous sommes le lundi 6 décembre et il est midi tout pile. Pour une fois, je suis à l'heure. J'espère que tu es en pleine forme. Et avant de commencer cette émission, j'avais envie de partager la petite pensée zen du jour. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin, nous disait Gauthier. Et je me tourne vers mon invité d'aujourd'hui, Albe, artiste, auteur, compositeur, interprète, musicien, pianiste, rien que tout ça, qui sort son nouvel album. Je te l'écrirai. Bonjour Albe, comment ça va ? Bah, ça va bien, ça va très bien, même tranquille. Je suis bien, bien content de venir à Radio Gemozo. Ah. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans les studios de Radio Gemozo. Et je ne suis pas, on n'est pas seul hein, dans les studios A. On est plus qu'accompagné. Il y a avec nous Kylian et Théo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Bah, ça va super. Alors vous êtes là dans un cadre un petit peu particulier. Kylian, tu fais actuellement un petit stage, un petit service civique, et tu es venu ici découvrir une radio avec Théo qui est ton tuteur, mais qui a également été un de nos invités ici. Hein. Tu es quand même venu plusieurs fois. Oui, c'est ça, deux fois. Voilà. Ça va les garçons, vous êtes bien installés ? Très très bien. Très bien. Eh ben super. Si vous avez des questions pour notre invité ou si vous avez envie de rebondir sur certaines choses, surtout vous n'hésitez pas. T'es d'accord, Albe ? Je suis tout à fait d'accord, c'est bon. Alors, j'ai une question pour, peut-être pour commencer. Ah bah allez, vas-y. Ah, envoie la question. Quel type de musique fais-tu ? Quel type de musique chez toi ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que je fais plein de choses en fait. Je fais un peu du rap, du slam, du chant aussi. Enfin, je chante des chansons quoi, des trucs. Bon, c'est un style hein, toujours un peu hip-hop ou trip-hop un peu. Ok. C'est un peu dans ce style-là quoi. C'est ce qu'on appelle un artiste éclectique. Je suis éclectique, non. Ouais, je suis vraiment très éclectique. Alors, qu'est-ce que tu pensais de ma petite pensée positive du jour ? D'ailleurs, on peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Avec les pierres qui entravent le chemin. Alors là, il faut que je réfléchisse. Écoute, tu me dis ça à la fin de l'émission. Voilà, à la fin de l'émission, je te dirai si les pierres. Tu es avec nous aujourd'hui. Si j'ai compris les pierres. Oui, voilà. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de cet album. Je te l'écrirai. 15 titres, des chansons avec parfois du rap, des petites valses au piano. Même, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de mon truc aussi de faire du. Enfin, comme je suis pianiste, quoi, je compose des petites valses comme ça. Et puis, je me suis dit, ça irait bien dans l'album. Ça montre un peu tout ce que je fais en fait. Oui, c'est bien de montrer tout ce qu'on peut faire, mais est-ce que tu n'avais pas peur que ça perde un peu les gens sur ce que tu fais justement ? C'est ça qui est compliqué, c'est que moi je ne me mets pas vraiment de limite quand je compose, quand je fais mes chansons, quand j'écris, je ne me mets pas vraiment de limite, je ne me dis pas bon, je vais me cantonner à un seul style quoi. Et du coup, ça peut perdre les gens, c'est sûr, ça peut. Mais quelque part aussi, déjà pour le projet que je voulais faire, de faire le don l'argent à la Fondation Abbé Pierre, je me suis dit, comme ça, ça tout le monde peut aimer un peu, tout le monde peut se retrouver au moins dans, peut-être dans quelques trucs, quoi, dans ce CD, c'est ça qui est sympa. Quoi. Fait un petit panel de ce que tu fais. Voilà, quoi. Un petit panel, et puis toujours, j'ai toujours des. Dans les retours que j'ai pu avoir, il y a des gens qui vont peut-être préférer le rap, il y en a qui vont préférer le. Oui. Le côté un peu plus tranquille, même du piano. Hein. Il y en a qui. Rien que le piano. les petites basses au piano, ça passe bien. Et puis, voilà, tout le monde se retrouve un peu dans ce CD-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, quoi. Ok. Un nouvel album, est-ce que ça suppose que tu en as déjà réalisé d'autres? Alors, j'ai mon petit EP. J'étais venu pour ce petit EP. C'était il y a combien de temps? Je sais même plus. C'était il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Et oui. Là, j'ai enchaîné avec un album. Et ce petit EP, pour le coup c'était plus rap. L'EP, j'avais fait des trucs plutôt plus rap que chanson. Ouais. Et puis c'est en creusant, c'est un peu par hasard, avec Dorian, que tu connais aussi, le beatmaker de Airplay. Mais oui. En fait, je lui ai montré des chansons, une chanson que j'avais pu faire. Et puis il m'a dit, vas-y, creuse le truc, quoi, et essaye d'en faire d'autres. Et effectivement, j'en ai fait d'autres. Et puis voilà, donc ça a donné ce truc-là, ce petit album-là. Ouais. Ce truc-là. Voilà, ce truc-là. Voilà. Ok. Alors, les recettes de cet album seront intégralement reversées à la Fondation L'Abbé Pierre, qui a pour mission de permettre à toute personne démunie d'accéder à un logement décent et à une vie digne, quel que soit le montant de ses ressources et de sa situation sociale. Pourquoi tu as choisi cette association? Cette association, j'y pensais depuis longtemps. Je voulais faire quelque chose. Et puis, la Fondation Abbé Pierre, elle s'occupe de projets qui par rapport au sans-abri et tout ça, mais aussi même le mal logement, c'est-à-dire des gens qui vivent qui ont un chez eux, un salubre, ou alors qu'ils ont des gros problèmes qui sont sur le point de se faire exclure Oui. Leur logement, et puis le mal logement, c'était le côté un peu la dignité. Que chaque personne puisse avoir un endroit digne où vivre, quoi. Oui. Et pourquoi ça te touche particulièrement, cette... Ça fait longtemps. J'avais, je ne vais pas dire hésité, mais entre les Restos du Cœur, la Fondation Abbé Pierre et tout ça, j'y réfléchissais. Mais en fait, j'ai contacté la Fondation Abbé Pierre, et puis il y a une personne très sympathique qui m'a même aidé dans la communication. Que j'allais te dire. Voilà, à communiquer sur mon projet. Et du coup, comme ça s'est très bien passé, je suis resté sur la Fondation Abbé Pierre. Oui. Et parce que ça c'est la personne elle s'appelle Eva Rangard, c'est une qui s'occupe de la communication à la Fondation Abbé Pierre. Elle m'a beaucoup aidé pour faire ce projet, donc voilà. Je suis resté là-dessus. Voilà. Ah bah voilà, super. Voilà. J'avais noté dans ma grille du programme Albe, artiste au grand cœur. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici, les garçons? Est-ce que ça va? Ah bah oui, très bien, très bien. C'est intéressant, très intéressant. C'est toi? Toujours bien. Moi, j'écoute ce qu'il dit avec attention, du coup. Ouais. Si je peux poser une autre question aussi. Bien entendu. Quelle musique de l'album dont t'es le plus fier? La musique que je suis le plus fier dans la musique dans l'album. Oui. Alors ça c'est compliqué. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le rap, mais c'est vrai que des retours que j'ai pu avoir, ça passe mieux les chansons, quoi. Les chansons quand c'est chanté, quoi. On me dit souvent que j'ai pas une dégaine de rappeur, ce qui est plutôt vrai. Et l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais moi le rap m'a toujours touché, le hip hop m'a toujours touché. Donc moi je suis plutôt fier de mes raps, plus fier de mes raps que de mes chansons presque. Mais c'est compliqué. Bon, là par exemple tout à l'heure Lia, tu m'as demandé les chansons que je voulais mettre, et j'ai pas mis de rap parce que dans les retours que j'ai eu c'est plus les chansons qui touchent, mais c'est plutôt le rap moi qui me toutes les chansons tous les raps que j'ai pu faire ça me je suis plus fier de ça que du reste, on va dire. Je pense. D'accord. Et c'est un vrai exercice de rapper, hein. D'avoir un flow et même d'écrire du rap, parce que c'est ça qui est, moi quand j'ai commencé à écrire du rap c'était pas du tout structuré en fait. Et c'est quand j'ai commencé à envoyer un peu à des gens qui faisaient genre des studios, des trucs comme ça, souvent on me disait mais c'est pas assez structuré ce que tu fais, ça va pas passer. Et au fur et à mesure j'ai commencé à structurer mes textes et tout ça, et puis et voilà. Oui, c'est différent de la chanson, hein. Il faut un beat, il faut du flux, il faut du flow, du oui. Et même enfin, au début, quand je rappais, ça m'arrivait de bouffer des mots. Dans ma tête, j'avais le texte, donc je me disais, ouais, je rappe le texte. Et en fait, je bouffais des mots. Et puis au fur et à mesure, ça s'est gommé, quoi. J'arrive à m'en sortir, quoi. On va dire ça comme ça. C'est un entraînement. Oui, c'est un entraînement. Ouais, c'est tout un entraînement. T'es un spécialiste du son, hein, là, quand même. Hein. On n'a pas dit ce que tu faisais dans la vie, dis-moi. Dis-nous. Je fais de la musique à côté. Ok, ouais, je fais de la musique. J'ai un studio à la maison où je fais des sons aussi. Je m'adapte. Je fais plus pour moi de l'électro, house, okay. Tout ça. Mmh. Mais ça m'est déjà arrivé de faire aussi des prods pour des rappeurs. Voilà. Ah, c'est cool, c'était quand même le DJ de C'est lui, j'ai Léon. Voilà. Ah ouais, voilà. Oui, bien entendu. Ah ouais, ok, je savais pas. Moi. Mais voilà, c'est ça qui est beau dans l'odeur du son. On fait des rencontres et tout ça. On se fait une petite bouffe ou comment? Non, d'accord. Un petit café. Allez, du coup, je propose que l'on plante le décor ensemble avant de se lancer dans le sujet à corps et à cœur perdu, comme je le dis souvent. Voilà, pour toi, auditeur qui ne connaîtrait pas encore Alb ici présent, tu nous as proposé le titre Je te l'écrirai, titre voilà, qui. Oui. C'est le nom de ton album d'ailleurs. Ouais. On parle de cette chanson juste après ? Bien sûr, hein. Allez, c'est parti. Je ne te dirai pas cette folie amoureuse, ce genre de folie dans une nuit pleureuse qui m'empêche de trouver les mots qui te rendraient heureux. Je te l'écrirai. Je ne te dirai pas ces sentiments que seuls ceux qui m'aiment comprennent vraiment. Car les mots ne me viennent jamais si facilement. Je te l'écrirai. Je te l'écrirai. Comme on murmure je t'aime derrière un mur. Je te l'écrirai comme à la craie, comme si je ne pouvais faire de rature. Je te l'écrirai. Je te l'écrirai. Ce genre de folie dans une nuit peureuse qui m'empêche de trouver les mots qui te rendraient heureuse. Je te l'écrirai. Je te l'écrirai. Faire de rature, je te l'écrirai. Je te l'écrirai. Je te l'écrirai, Alb, sur les ondes de Radio Guémozo. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Kylian et à Théo également autour de la table. Voilà, j'espère que vous passez tous un bon moment. Ah oui, complètement. C'est un très très bon moment. Yes. La musique était très bonne. Ah bah voilà. Un retour. Les paroles de la musique. Les paroles et le tempo de la musique, la mélodie. Et les paroles surtout qui parlent... ça parle d'amour, non, la musique Oh non, pas du tout. C'est quoi, comment si. Si. Comme ça, personnellement. Mais si. Oui, bah oui, ça parle un peu d'amour, on va dire. Raconte-nous l'histoire de cette chanson. Ah, l'histoire de cette chanson, oui. Oh, c'est compliqué. Là. Tu m'en demandes. Tu m'en demandes trop, là. Écoute, on est là pour ça. Oui, je sais. Non, mais c'est un peu personnel. C'est sûr, c'est lié à des souvenirs qui sont assez personnels, on D'accord. va dire. Mais après, chacun peut s'en faire sa propre interprétation, je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est lié à des souvenirs très, très personnels. Ouais, très personnels. Ok, d'accord. Donc ça parle d'une histoire que tu as déjà vécue. Ça s'inspire. Bah, souvent dans mes chansons, c'est-à-dire que parfois c'est un peu romancé, mais ça s'inspire beaucoup de mon vécu, ça c'est sûr. Oui, ça s'inspire beaucoup de mes expériences. Je crois que c'est un peu le cas pour beaucoup d'artistes, hein, oui, quand même, sûr. Non? Exactement. Oui, bien sûr, ouais. je suis d'accord. C'est plus facile de parler de quelque chose qu'on a déjà rencontré, je pense. Voilà, Est-ce que tu fais de la musique, Kylian? Non, par contre j'écris beaucoup, mais je ne fais pas de musique. J'écris des textes, mais je n'ai jamais essayé de faire de la musique. Cool ça. Okay. Parce que je n'arrive pas à être dans les temps, donc c'est compliqué. Ah d'accord, ok. Mais parolier, c'est bien aussi. Parce qu'il y en a qui savent être dans les temps, mais qui ne savent pas écrire des textes. Hein, il faut des deux. Oui, c'est vrai. Ça se trouve, vous allez faire une grosse collab, un de ces quatre, ah ouais, tous les trois. Là, ça va être un truc. Les textes, la musique. Non, la musique. Et puis, ouais, je ferai le lien. Et du coup, ça s'est construit comment, ce son? Depuis quand il existe? Voilà, quand est-ce que tu l'as créé? Alors, à la base, c'était une instru que j'avais fait. J'ai découvert sur mon logiciel de musique que je pouvais avoir des loops. Ouais. Alors que j'avais jamais trop exploré ça et tout ça. Alors explique-nous ce que c'est une loop, Théo. Alors vas-y. C'est toi le spécialiste. Alors du coup, une loop, la base c'est une sample. Oui, voilà, c'est un sample. Donc c'est une boucle en fait. On répète soit sur 4 temps ou alors 8 temps, ça dépend de la conception de la sample, et puis on sample. Et puis en général, c'est des vrais sons d'instruments, des choses comme ça. Et moi, je savais pas que je pouvais faire ça avec mon logiciel, et donc du coup, j'avais des vrais sons de batterie, alors que d'habitude, j'utilisais des sons un peu. Des sons un peu plus. Comment on dit, pas numériques, mais. Artificiel, oui, plus artificiel, alors que là c'était vraiment un vrai mec qui faisait de la batterie derrière. Oui. Donc du coup j'ai repris ce truc là et puis j'ai un peu exploré la chose, et c'est un des premiers une des premières instrus où j'ai utilisé ce truc là ok. Et puis voilà, puis ça m'a bien plu. À la base, j'avais fait ça, je savais pas trop si j'allais rapper dessus ou si j'allais faire une chanson dessus. Oui. Et puis au final, c'est un peu par hasard. J'avais un texte et puis je me suis mis à chanter sur ce truc-là. Et puis voilà, ça a donné « Je te l'écrirai ». Yes. Très très beau, hein. Franchement. Oui. C'est bien structuré. On a l'impression que c'est complètement pop, c'est de la pop. Enfin, c'est très bien, moi j'avais bien aimé. Ouais. Bon bah voilà. Que de beaux encouragements. Nickel. Oui. J'ai déjà dans les moments sortis, mais j'ai bien aimé aussi le tempo et la mélodie. Ah, c'est oui. assez calme, ça fait assez. C'est calme en même temps, ça arrive à faire bouger quand même. Oui. C'est vrai. C'est compliqué de créer un son hein, quand même. Bah ouais, ouais. Moi, ça prend du temps. Moi je sais que moi pour la musique électronique, oui. Bon après moi j'utilise des machines sur l'ordinateur qui me permettent de faire des sons. Mais oui, faire des samples aussi, créer une 808, c'est une basse, c'est compliqué. Ça s'apprend pas comme ça. Il faut un petit peu d'expérience, je pense. Puis même après ce qu'on peut voir avec les VST de maintenant, c'est des virtuels, c'est des machines virtuelles, et on peut, comme on vous avait dit, on peut complètement réaliser une vraie batterie, juste à l'aide d'un ordinateur. Et voilà, oui. C'est ça, exactement. C'est vraiment bien. Et si on veut te voir d'ailleurs mixer, on peut aller où, toi, Théo? Oula, du coup, vous pouvez aller me voir en discothèque. Oui. Vas-y, balance le nom. Le 88 à Épinal. C'est très joli à l'intérieur. Oui, il y a un gros rocher mis en valeur quand les clients arrivent. Donc, ça, c'est sympa. Voilà. Si jamais on veut le voir, allez. Ah bah oui, ça m'est arrivé d'aller au 88. Vous êtes la bienvenue. Qui sait, tu feras peut-être déjà peut-être un concert un jour là-bas. Ah bah, si vous voulez, je peux m'arranger avec mon bâton. Ah, génial. Alors, je décrivais au début, Albe, de cette émission, tu es auteur, compositeur, interprète, musicien, pianiste. Oh, explique-nous ton parcours musical, comment on arrive à... Mon parcours musical, j'ai commencé tout bêtement à faire du piano quand j'avais 12 ans, et puis donc ça fait donc un bon bout de temps que je fais du piano, maintenant j'ai 33 ans, donc ça fait 20 ans que je fais du piano. Et puis, c'est plus ces dernières années où ça s'est un peu accéléré, on va dire. parce que je suis allé au conservatoire, enfin j'ai pris des cours au conservatoire, notamment de jazz, même de chant. J'ai fait du chant lyrique, tu sais, c'est pas vrai, Castafiore, avec machin. Robert. Oui, Robert Bosquero. Ah non, c'est vrai. Bah tu vois, mais je savais pas. On va vraiment pouvoir créer, je pense à 4, on va créer un CD tous ensemble. Ah, c'est sûr. Ouais. Non mais voilà, oui, j'ai fait donc je suis allé au conservatoire et tout ça. Et puis le jazz, ça m'a appris l'harmonie surtout. Oui. C'est des choses. Moi, je composais un peu au feeling et tout ça. Et puis finalement, le fait de ça m'a donné des pistes quelque part d'apprendre l'harmonie en jazz. Oui. Et voilà. Mais sinon, ça a toujours été un peu du feeling. Ouais, j'ai toujours un peu composé comme ça. Depuis que je suis tout petit, un peu à l'arrache, quoi. Plus en autodidacte. En autodidacte, voilà. Et c'est plus ces dernières années où j'ai un peu, je me suis, alors je peux dire, je suis pas un pro, mais j'ai un peu approfondi le truc, quoi. Oui, tu t'es donné les moyens de produire quelque chose. Voilà, exactement. De même qualité. Au niveau du matériel, on va dire, oui. Parce que c'est vrai que quand on veut faire de la musique, il y a un moment, faut un peu investir, on va dire. Ah bah ça. Et du coup, je me suis permis ce truc-là, quoi, d'investir un peu dans le matériel, quoi, et puis pouvoir faire des trucs sympas, rien qu'avoir un bon logiciel de musique par exemple, c'est bien pour faire de la musique pour tous ceux qui voudraient faire de la musique, qui écoutent Radio Kemoso. Voilà, vous avez entendu le conseil. Voilà. Tu as fêté la sortie de ce CD au phonographe il y a quelques jours. Oui. Hein, comment ça s'est passé? Bah très bien. Bon, c'était vraiment un petit comité, c'était très très, il n'y avait pas énormément de monde, mais bon, c'était sympa. C'est ce que j'aime au phonographe, c'est toujours un peu familial, un peu, il y a une ambiance conviviale. Un peu familiale, conviviale. Et là, c'était vraiment un petit comité, mais c'était sympa. J'ai dit plusieurs de mes textes. Il y a même des gens qui m'ont acheté mon CD que je ne connaissais pas, parce que parfois, ceux qui achètent le CD, bon, c'est les potes ou les gens. Ah bah on peut se dire, bon, ils font ça pour me faire plaisir. Mais là, pour le coup, ils ont aimé le côté un peu old school, un peu rap que j'ai pu faire. Et du coup, ça fait plaisir, quoi. C'était sympa. C'était très sympa. J'aurais bien voulu venir, mais tu vois bien les histoires de... Ah oui, avec le Covid machin. C'est ça, le pass sanitaire, on peut le dire. On peut le dire. Et oui, il faut faire des choix et c'était comme ça. C'est sûr. C'est tout à ton honneur parce que les scènes où il y a très peu de monde, c'est pas forcément les plus simples. Peut-être. Et en plus, c'était presque pas ma première scène, mais parce que j'ai déjà fait des jam sessions, sessions, c'est quand les musiciens amènent tous leur instrument et puis improvisent un peu comme ça. Et ça m'est arrivé de dire mes textes comme ça en public, mais là, pour le coup, c'était avec Nico qui avait mis sa sono et tout ça. Nicole, le patron du phonographe, voilà, qu'on embrasse très fort. Donc c'était la première fois que je disais mes textes avec mes instrus derrière. Ah, génial. Mes instrus derrière. Ouais, non, c'était sympa. Ça doit faire quelque chose quand même. Oui, c'est sûr. Il me semble que tu avais déjà lâché quelques textes lors d'une marche fleurie. Ah, alors ça, c'était encore la marche fleurie, c'était pour le coup, on défendait un peu la culture pendant le Covid. Oui. Pendant le Covid. Et de tous les débats qu'il y avait pu avoir, à un moment donné, on avait fait des débats à la souris verte. Et de toutes les idées que j'ai pu entendre, tout ce que j'avais pu entendre, j'en ai fait un texte qui s'appelait Culture, qu'on peut retrouver même sur YouTube, si on tape Culture Albe. Super. Et j'avais même fait un petit clip, mais bon, c'est vraiment. C'est pas terrible, mais c'était un peu fait à l'arrache. Mais c'est en très peu de temps que j'ai écrit la chanson, que je l'ai enregistrée, que j'ai même Dorian au début, il était un peu. Oh, bah, tu fais tout ça d'un coup. Enfin, on l'a enregistré très vite, quoi. D'accord. On a tout fait très vite. Mais bon, c'était sympa. Et puis j'ai pu le dire, pendant la manif, j'ai pu dire mon texte et tout ça, et c'était vraiment sympa. Oui. Il y avait du monde en plus. Ah, bah là, il y avait du monde. Ah ouais, c'était sympa. Est-ce que vous êtes venus, les garçons, lors des marches fleuries? Non, malheureusement. C'est pas bien. Non, on rigole. Bien entendu, que je suppose que vous avez soutenu à votre façon la culture parce que vous en faites partie, hein, vous bien aussi. Sûr. Toi, Théo, j'imagine que ça a dû être un petit peu compliqué pendant toutes ces périodes de confinement musique. C'était très compliqué. Bah, j'étais au chômage pendant plus. Bah oui. Tu faisais des lives. Voilà, je faisais des lives sur Facebook, voilà. Et j'essayais de de mixer pour faire essayer de détendre les gens, les faire revirer un petit peu la boîte de nuit depuis chez moi. Bah oui. Voilà, bon après mon Facebook avec les droits d'auteur, il me coupait le live, donc j'ai décidé de le faire sur Twitch. Ah. Sur Twitch, ça c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a ils coupent pas le live mais après ils disent ouais, on vous laisse 2 semaines et après ça supprime. Donc ah oui, d'accord. OK. Voilà. Oui, au moins on peut te regarder quand voilà, même. Voilà, exactement. Voilà, on a tous soutenu le monde de la culture et c'est très très important. Voilà pour nous tous. Allez, avant de continuer, je propose un petit son. Alors, c'est un petit son chouchou que j'ai chiné ce week-end. On va faire un petit mix entre tes sons et les miens. Il s'agit de John Baptiste pour Freedom. Alors, John Baptiste, qui s'appelle en vérité Jonathan, qui est un musicien, chef d'orchestre, entre autres. Il a travaillé avec de nombreux artistes dans des genres divers et variés, comme Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, etc. etc. Il a sorti régulièrement des enregistrements depuis 2005. Il a joué dans plus de 40 pays. Est-ce que vous le connaissez? Non, pas tout ça en même temps. Et ben voilà, c'est le but. C'est le but. La petite pépite du jour, en plus de tes pépites à toi, Albe. Ensemble, ben, on va faire de belles choses. Allez, à tout de suite. C'était bon ça, vous avez aimé? Ouais, on a adoré ça. Il y a un petit côté Pharrell, on est d'accord? Ouais, pas que dans le titre, je trouve. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, comme sonorité, comme artiste? Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à créer? Je j'écoute beaucoup de hip-hop, ça c'est sûr. Oui. J'écoute même que ça, presque que ça. Comme quoi alors ? J'aime bien découvrir des nouveaux artistes parce que c'est vrai que moi ça m'arrive par exemple de tomber sur une super chanson et je vais l'écouter en boucle pendant 3 semaines. Et au bout d'un moment, bon, j'ai un peu j'ai besoin de passer un peu à pas dire à autre chose, mais et du coup, je découvre plein de il y a des rappeurs que je connaissais pas, genre Vinny Paz ou Jedi Mind Tricks. C'est le dernier groupe de rap que je connaissais pas à la base. Même quand j'étais petit, j'écoutais un peu de rap, mais j'avais jamais entendu ça. Et j'ai découvert ça et ouais, c'est super. Bah voilà, plein d'artistes hip-hop un peu comme ça. J'aime bien. Mais les trucs plutôt old school, quoi. Oui. C'est ça qui me. À l'ancienne. Un peu à l'ancienne. Bah oui. C'est ça qui m'inspire. Je crois que le hip-hop m'inspire énormément. Que ce soit dans les textes, que ce soit dans la musique, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Ouais. Yes. Ouais. J'avais une question. Est-ce que tu trouves d'abord les instrus et après t'écris ton texte ? Est-ce que tu t'écris ton texte et après tu trouves une instru ? Alors ça, je tiens à dire que tu as de très bonnes questions car toutes les questions que tu poses sont dans ma trame. Je n'ai pas lu d'ailleurs. Comment dire ? Ça dépend. Ça dépend énormément. Parfois ça va être une instru. Parfois c'est l'instru qui vient au départ et puis parfois c'est le texte qui vient au départ. Ça dépend de plein de choses. Et puis moi ça m'arrive même d'écrire sur des instrus des autres, c'est-à-dire des instrus qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple sur YouTube, et je vais me mettre à écrire un texte. Puis je vais me dire tiens ça irait bien avec cet instru-là, une autre instru que j'ai pu faire ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça en fait, ça vient, c'est vraiment un peu, c'est pas de la tambouille, mais c'est un peu, voilà, c'est de la cuisine presque. C'est presque de la cuisine. Alors ça casse un peu le mythe quand on dit ça, mais c'est vrai que moi parfois c'est un savant mélange, voilà, de plein de choses. J'ai plein d'instrus, j'ai plein de textes. Et parfois, je vais me dire, tiens, ce texte-là, il irait bien avec cet instru-là. Et puis, c'est comme ça que ça marche. Super. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des processus d'écriture ? Est-ce que tu as des rituels ? Je ne sais pas, genre le soir, la nuit, à la lumière d'une bougie ? Ça pourrait être ça. En fait, c'est très instinctif. Je sais pas comment dire. Parfois, on sent qu'on a quelque chose à sortir. Oui. Et parfois, ça peut être sous forme de musique. Moi, j'écris c'est pas pour me la péter, mais j'ai par exemple composé des super belles musiques à des moments où je me sentais bien pour le faire. Quoi. J'avais besoin de sortir ça. C'était une émotion qui devait sortir. Et ça sort parfois par la musique et parfois ça sort par le texte. Et, oui. Et je me mets à écrire un texte. Parfois, je peux écrire pendant 3 heures, travailler sur un texte. Et alors que pendant un bon bout de temps, je vais pas pouvoir écrire. Je vais être complètement bloqué. Et puis d'un coup, j'ai un texte qui m'arrive comme ça. Et puis ça sort tout seul, quoi. Yes. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. C'est vrai que c'est assez instinctif, assez. Est-ce que t'as un carnet de notes, un téléphone Ça m'arrive d'écrire sur mon téléphone. Ça peut m'arriver, mais voilà. C'est en général, quand je suis chez moi. Je vis des choses au dehors et quand je suis chez moi, c'est là que ça travaille et que ça. Parce que des fois, il y a un déferlement de mots là qui nous arrive en tête. Exactement, et oulala, il faut l'écrire. Il faut l'écrire quelque part. Et quand on le perd, c'est très frustrant. Hein. Ah oui, parce que des fois, on tient des pépites. C'est exactement ça. Je sais que moi, je fais toujours quand même attention. Dès que je sens, par exemple, je suis dans une ambiance un peu, j'ai envie d'écrire un texte. Par exemple, je marche dans la rue et puis d'un coup, j'ai envie d'écrire un texte. Et je rentre vite chez moi pour le sortir le texte parce que je sais que après ça part, quoi. Oui. Si tu l'écris pas pendant que ça t'arrive, c'est là que je suis désolée, je dois y aller. Ouais. Bon, ça peut être mal pris, mais bon. Ouais. Ok, super. Du coup, on a parlé des artistes qui t'inspirent. Comment tu procèdes pour composer ? Alors, on vient de parler de l'écriture, mais pour les morceaux, comment ça se passe ? Les morceaux de piano, par exemple ? Oui. C'est aussi un peu de la cuisine. Alors je sais, ma mère qui suit beaucoup ce que je fais et tout ça, elle aime pas trop que je lui dise. Enfin, c'est pas qu'elle aime pas trop que je lui dise ça, mais parce qu'elle a l'impression que c'est un truc qui sort comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup de la cuisine, quoi. C'est presque de la cuisine. C'est-à-dire que je me mets par exemple à trouver une main gauche au piano, ouais. Juste la main gauche. Puis après, je vais rajouter une mélodie par-dessus. Je vais un peu, parfois, je vais changer 2-3 notes, un peu, même parfois à l'ordi. sur l'ordi, parce que c'est ça qui est bien avec l'ordi, c'est que ça, les logiciels de musique permettent de faire des choses comme ça, de changer 2-3 notes ou de voilà. Et par rapport à tout ça, c'est tout ce travail-là, toute cette cuisine-là qui fait que mais c'est sûr, c'est dans quand je crée, c'est dans une certaine ambiance, voilà, je suis dans une ambiance, oui, et une ambiance presque de travail où je suis bien, et c'est là que je vais pouvoir faire mon truc. Mais voilà, comment écrire, comment faire un truc de piano, bah oui, c'est sûr, c'est un peu on va essayer un truc, puis après on va changer, des essais, puis, voilà, des essais, voilà, essais, erreurs. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui se servent de leurs émotions un petit peu fortes et bousculées pour créer, justement? Bah, mais je pense qu'on est tous un peu, oui, tous les artistes sont peut-être un peu pareils par rapport à ça, mais on deviendrait presque maso finalement à chercher la douleur, ouais, pour la création, des choses, à rechercher. Bah c'est ce que j'ai dû déjà dire quand j'avais fait mon EP, mais c'est il faut vivre des choses, je pense, pour, oui, pour pouvoir écrire, faut vivre des choses, faut se mettre dans des émotions, oui, justement, des rencontres, des choses comme ça qui nous mettent dans des émotions particulières. Mm. Quelqu'un qui nous raconte sa vie, par exemple, c'est tout bête, mais quelqu'un qui, on fait une rencontre dans un vieux bar, genre le Phono, et quelqu'un nous raconte un peu sa vie. Et puis voilà, et puis ça inspire, quoi, ça inspire. Parce que, oui. T'es en train de nous dire que tu passes beaucoup de temps au bar, en fait, c'est ça? Oh oui. Ça peut m'arriver. Tu t'es fait griller, mais, là. Oui. Non, mais bah, je me fais charrier souvent par les barman, parce que je commande des Coca Zéro. Je suis là avec mon Coca Zéro. Mais c'est vrai que je vais souvent dans les bars, oui, pour, c'est souvent dans ces endroits-là que, bah oui, on peut faire des rencontres, tu vois, des musiciens. Hein. Il y a beaucoup de musiciens, d'artistes qui vont dans les bars, qui traînent dans les bars et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Mais surtout dans des lieux culturels comme ça, voilà, petit peu, exactement, comme le Phono, voilà, l'appartement, etc. Ouais. Tous, voilà, ces endroits qu'on aime tant. Big up à tous. Est-ce qu'on se lancerait dans un prochain son de ton album, là? Ouh, hein? Ken Sten, tu m'as dit? Ouais, Ken Sten, on peut se tenter Ken Sten. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est non, d'ailleurs, bah, y a une anecdote un peu marrante à ce sujet. Oui. Parce qu'à la base, j'avais fait l'instru pour une amie à moi qui est chanteuse. D'accord. Et je lui disais, ouais, tu pourrais. Alors, j'avais déjà le refrain, j'avais Ken Sten de Ken Sten de This Song. Et je lui dis, ouais, tu pourrais faire une chanson comme ça. Alors je lui explique, et puis je commence à écrire un truc. Je lui dis, tu pourrais faire ça, par exemple. Et elle me dit, mais tu viens d'écrire la chanson. Je venais d'écrire la chanson, j'avais même pas fait. Parce que j'avais donné un exemple de ce qu'elle pouvait faire. Et puis j'ai écrit la chanson, quoi. D'accord. Du coup, j'ai gardé le truc, je me suis dit, bon, bah voilà, ce sera ma chanson, allez. Et puis ça a donné Ken Sten, ouais. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Oui, t'avais fait pas mal de collabs avec des artistes féminines. Ouais, ça a pu m'arriver, ouais. Ça a pu m'arriver un petit peu. Ouais. On en reparlera juste après ce son que l'on retrouve tout de suite, et on se retrouve juste après. Voilà. I can stand the sound. C'était très beau ça. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé les garçons? Très bien. Alors ouais. Moi la musique m'a fait penser à des sons des orgues de Barbark. Ah ouais? Pourquoi pas? Au niveau de la voix, ça m'a fait penser à pas ça. Ok. L'inspiration. Allez. Ou la chanson. À du G. Les orgues de Barbark. Tu connais? Non, je connais pas trop. Eh ben. Ouais, que je pars à Radio Game Ozo. Ah mince. Bah, faut non mais c'est vraiment super parce que c'est le refrain reste en tête, on le chante facilement. Oui, et, on le dit souvent. Et la compo derrière est géniale. Ouais. Voilà. Ouais. Très bah, beau titre. Ouais. Bah, en fait, c'est une chanson qui parle. Je pense que ça doit être pareil pour les hommes comme pour les femmes. C'est parfois le fait de tomber amoureux d'une image presque. Oui. D'une personne. Alors que, et en fait, on se rend compte. Alors c'est horrible de dire ça. T'es belle comme une ex. Mais c'est parfois des personnes qui peuvent ressembler. Oui. Alors c'est simplement physique justement. C'est ressembler à une personne qu'on a pu aimer. Oui. Et là on tombe amoureux, on ne sait pas pourquoi. Puis après on se rend compte, mais en fait je tombe amoureux d'une image. Et ça parle un peu de ça. Alors ça peut un peu choquer quand je dis t'es belle comme une ex. Mais c'est en fait ça parle de ça quoi. D'accord. Ce truc de tomber amoureux d'une image. Et puis après on se rend compte, bah non finalement. C'est original, j'avais jamais entendu. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Ça mais peut bon, arriver. Faut pas trop le dire. Hein, non, faut pas le dire. Vaut mieux pas le dire. C'est pour ça en chanson ça passe. Ça passe mieux. Je t'écris une chanson, je suis pas sûre de comprendre le message. Cet album, tu as pu le financer grâce à une cagnotte. Oui. Sur Ulule. Sur Ulule, ouais. Alors, elle a servi à quoi cette. Bah, financer CD, justement, à financer déjà le studio où j'enregistre, je mixe et je masterise mes sons. Alors, c'était où ça? Airplay avec Dorian. Dorian. On vous embrasse. Là, on embrasse. C'est Moustapha, oui, qui s'occupe de Airplay. Oui. Et donc, voilà, ça a aidé à payer ce studio-là, entre guillemets. Et puis, surtout, c'est le pressage des CD, tout ça, tout ce truc-là. C'était pour financer tout ça. Quoi. Oui, financer ça prend du temps. CD en lui-même. Hein. Ouais, ça a pris du temps. Oui, et ça coûte beaucoup d'argent, on ne se rend pas compte. Ça peut coûter un peu d'argent, oui. C'est en vrai. Effet. Alors, combien de temps il a mis à naître cet album? C'était quand même assez rapide parce que j'avais plein de chansons. J'avais plein de chansons dans mon ordi, dans mon Mac. Et du coup, à la base, j'avais voulu le faire chanter par des chanteuses. C'était le premier projet et ça n'a pas marché du tout. Oui, je me rappelle. Voilà, ça n'a pas marché. Ça s'est un peu cassé la binette. Et du coup, je me suis dit, je vais les chanter moi-même. Du coup, je ne vais pas me prendre la tête, on va dire. Je les ai chantés moi-même et puis finalement, j'ai pu les mettre sur YouTube assez facilement. Comme ça, les gens ont pu voir un peu ce que je faisais et tout ça. Et puis au final, ça a permis à ce que ça prenne forme, que les gens se disent tiens, c'est pas si mal que ça. Finalement, le album, on connaissait pas. Et puis finalement, ça va. Donc les gens ont fini par donner. aux données. Au début, j'ai eu peur parce que quand j'ai fait ma deuxième cagnotte, alors que ça s'était cassé la binette, au début, je me disais mince, les gens participent pas et tout ça. Puis au final, au fur et à mesure du temps que j'ai pu montrer mes chansons et tout ça, ça a marché, donc j'étais content, quoi. Et puis aussi ma Eva Rangard de la Fondation Abbé Pierre qui m'a beaucoup aidé pour la com et tout ça, ça a aidé certainement aussi beaucoup. C'est donc, bien. Voilà. Super. Du coup, depuis quand elle s'est finie quand cette cagnotte? La cagnotte s'est finie quand? C'était il y a quelques mois. Oui, ouais, d'accord. Il n'y a pas si longtemps, trois, quatre mois, ouais, je pense. Ok. Ouais. Donc, une fois tout ça terminé, tu as pu directement aller chez Airplay, enregistrer tout ça et voilà. Ah, j'ai pas tout enregistré d'un coup, c'était vraiment au fur et à mesure. Quoi. Au fur et à mesure, j'ai travaillé sur les chansons, mais pour faire cet album, j'ai dû mettre cinq mois, on va dire. Hein. Ok. Quand même, ouais, cinq, six mois. D'accord. Ouais. Et voilà. Et les sessions enregistrement là-bas, comment ça s'est passé? Ça doit être impressionnant quand même. Oh, pas si impressionnant que ça. Et puis je commence à connaître un peu Dorian et tout ça. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble pour faire des sons. Enfin, ça fait longtemps, ça fait plus l'EP, quoi. Ça fait 2 ans, on va dire. Oui. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Et donc du coup ça se passe bien, c'est assez tranquille, je vais pas dire bon enfant, mais oui. Mais c'est tranquille. Il y a besoin d'une confiance quand même mutuelle. Ah oui, dans c'est important parce que si on n'a pas cette confiance là, de travailler dans des mauvaises conditions, c'est jamais très drôle, quoi. Alors qu'avec Dorian, c'est vrai que ça s'est toujours bien passé, quoi. Ça s'est toujours bien passé. On se comprend. Moi, je lui dis toujours, explicitement ce que j'ai envie qu'il fasse. Et du coup, ça se passe bien parce qu'il comprend. Il est très à l'écoute. Dorian, c'est quelqu'un de très à l'écoute, qui fait en sorte que tout aille bien pour le son, quoi. C'est un génie. Ah, c'est un génie de l'écoute du son. Ouais, parce que Farid, c'est un ingénieur du son. Et quoi. Oui. Et ouais, c'est très bien c'est super ce qu'il fait. Moi, c'est très agréable pour moi de travailler avec Dorian. Ouais. On se met un peu à nu quand même quand on chante ces chansons. Il y a ce côté-là, c'est sûr, mais moi, ça ne m'a jamais vraiment posé problème. Parce D'accord. qu'une fois qu'on a écrit le texte, qu'on s'est dit, je peux le chanter, qu'on assume ce texte-là, après, on va l'enregistrer et puis il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, c'est dans le travail d'écriture, moi, c'est vrai que je ne montre pas tous les textes que j'écris ne vont pas être enregistrés, quoi. Parfois on n'assume pas trop un texte où on se dit tiens, mais est-ce que l'idée que j'ai développée, est-ce qu'elle est si pertinente que ça ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça dépend. Mais une fois qu'on assume un texte, qu'on se dit celui-là il irait bien en studio et tout ça, et ben là il y a pas de souci, quoi. Je trouve que d'enregistrer devant quelqu'un, voilà, c'est quelque chose de particulier, l'énergie, c'est l'émotion sûr. Que l'on met, oui bien sûr, voilà. Mais Dorian il met assez à l'aise, ouais. Mais c'est quelqu'un qui met assez à l'aise et puis ça m'a fait du bien de travailler en studio avec lui parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, oui. sur la manière d'enregistrer, de pas de placer sa voix mais de des petits trucs par rapport à l'émotion qu'on peut avoir dans la voix, de travailler ça, de travailler un peu l'émotion, parfois plus, enfin il est à l'écoute, il entend bien dès qu'il y a un truc qui va pas, il me le dit en général, et ça se passe bien. Tu parles d'émotion depuis tout à l'heure, mais du coup c'est quelle émotion que tu veux transmettre par ton album, l'émotion principale que tu voudrais transmettre? Ah, l'émotion principale, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que moi ça m'arrive souvent, ce que je fais quand j'enregistre, c'est que je pense très fort à quelqu'un, quoi, à quelqu'un en particulier. Alors ça peut être à mes ex, parfois ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Ou quelqu'un qui nous met. Non mais c'est peut-être bête de dire ça, après ça. Bah non, c'est pas non, bête. Mais c'est. Je suis d'accord. Voilà, non mais c'est ça. Non mais certaines, il y a certaines ex aussi qui nous mettent plus à l'aise que d'autres. Ah bah c'est vrai. Mais et ça, voilà. ça n'engage pas toujours la même émotion d'ailleurs. Voilà, exactement. mais ça m'arrive de penser à quelqu'un qui me. En général, c'est des gens qui me mettent à l'aise, justement. C'est des gens où je suis bien, quand oui. On va dire quand c'est des gens qui me mettent à l'aise, on va dire. Et du coup, y a une émotion particulière dans la voix qui va se mettre assez naturellement. Et c'est vrai que ça, j'avais jamais pensé à ça avant, quand j'enregistrais tout seul chez moi, quand j'ai fait mes premiers sons. Et c'est Dorian qui m'a dit oui, tu peux un peu travailler l'émotion en te mettant dans une certaine ambiance et tout ça. Et là je me suis mis à penser parfois c'est des gens qui m'inspirent des bons sentiments, on va dire, et ça me permet d'avoir une émotion particulière dans la voix, et ça donne un rendu qui est plutôt sympa, quoi. Enfin je pense que c'est important d'avoir de l'émotion dans la voix. Ouais. Peu importe l'émotion d'ailleurs, hein. C'est vrai que la musique est un vecteur d'émotion et voilà, ouais. C'est par là que c'est vraiment exutoire en plus, hein, quand on écrit, quand on lâche ses textes, ça fait du bien. Voilà, c'est vrai. Moi, je sais qu'il y a un groupe en particulier, moi, qui m'a toujours touché, c'est Portichette, par exemple. Oui. Et la chanteuse de Portichette, elle a quelque chose dans la voix qui est particulier. Et bon, je suis pas comme la chanteuse de Portichette, mais en tout cas, ça peut. Non, mais voilà. En tout cas, ça me. C'est le genre d'artiste où je me dis ouais, c'est intéressant quoi de travailler l'émotion justement que tu peux avoir dans la voix. Mais après, une émotion particulière, je sais pas quelle émotion. Souvent c'est assez compliqué à exprimer. C'est pas une émotion, enfin c'est une émotion très particulière à la personne à qui on pense, par exemple souvent. Ou l'ambiance où on se met, où on essaie de se remémorer des choses, voilà. Ok. Est-ce que ça marche l'émotion aussi, toi, quand tu crées des musiques, Théo ? Oui, je pense que oui. On peut... oui y a... C'est différent, quoi, dans ton domaine à toi. Ouais, mais il y a quand même une émotion qu'on transmet quand même avec la musique. Oui. Pas forcément. Alors moi je fais pas. Pour l'instant, j'ai pas de chanteur ou de chanteuse. Je fais tout par moi-même. Après, je travaille aussi avec une plateforme qui s'appelle Splice, qui me permet d'avoir des voix directement. Ouais. Génial. Bon, avec droit de. Je crois que c'est droit d'auteur. Mm-hmm. Mais bon, il faut quand même. Faut voir vite avant qu'il y en a un qui te le prend. Ah oui. Mais sinon, c'est beaucoup d'émotions. Oui. Je fais plus pas encore la voix parce que je sais pas trop encore gérer ça. Pourtant ça prend du temps. Hein. Je fais ça depuis que j'ai 10 ans. Ah oui, oui. J'en ai 24, c'est compliqué. Il faut que ça soit bien structuré. Oui, tu vois, t'es carré. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Puis l'électro, ça demande quand même une grosse structure quand même, je pense. Ah oui, bien sûr. Après, moi, je fais de l'électro, mais je fais un peu de tout. Là, j'ai fait de la dubstep, un petit peu. J'ai fait de la pop aussi, un morceau qui est complètement avec guitare. Et voilà. Génial. Et puis piano. Ah bah, on en reparlera bientôt. Hein? Allez, je propose un petit saut dans le son. Bon, bref, j'ai pas réussi. On va se faire une petite aparté musicale, c'est mieux comme ça. Avec un nouveau son, celui de Zao. Vous connaissez Zao? Oui. Non, ça me dit rien. C'est pas vrai. Tu connais pas? Arrête. Non, je connais pas. Alors là, non, hein. Tu vas sortir. Non, c'est pas vrai. Avec ce nouveau son, Doucement, en attendant la sortie de son nouvel album, Zao dévoile son tout nouveau single, Doucement, une ode à elle-même après ses blessures amoureuses. Je me suis dit que ça allait te toucher, ça. Bah, peut-être, oui. On va voir. Voilà. On va voir. Je vais voir tout de suite. Et la chorégraphie est de Sadek. Est-ce que vous connaissez? Ah, oui, Sadek, je connais. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est très... comme ça, là. C'est vrai. Je ne saurais pas donner quel terme donner. Je vais réfléchir pendant le son et je vous redis ça tout de suite après. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff, ce nouveau son. J'espère que ça te plaira quand même. Allez, à tout de suite. Hey, hey, hey. Je préfère aller doucement. Je me suis menti 12 ans. J'ai connu le drame ailleurs. Je ferai pas la même avec toi. Car ma peine est rouge sang. Je préfère le feu qui brûle qu'une étincelle avec toi. Je vais être honnête avec toi. Ne me promets pas les étoiles ni du canot au paradis. Non, c'est pas comme ça la vie. Si il fait beau temps dans ton cœur, fais-moi rire jusqu'au matin. Rattrape les pleurs de mes nuits. Je te dirai un jour je t'aime. Et si tu m'aimes tu l'attendras. Je guérirai de ma maladie. Oui, l'amour est une maladie. Y'a comme une odeur de méfiance, comme un goût de sentiment. Je préfère aller doucement. Mon cœur est une épreuve. Tu veux sauter les étapes. Je préfère aller doucement. Car mon cœur est une épave qui a déjà fait naufrage. Je me suis menti doucement. qui brûle qu'une étincelle avec toi. Ralentis, tu vas trop vite. Mes sentiments à la dérive. Si mon passé me paralyse, je sais qu'il n'y a que toi qui paladine. Le nom de ma liste. D'autres avant toi m'ont blessé. Mon cœur sous anesthésie. Du temps faudra me laisser. Non, je ne peux pas maintenant d'y croire encore, j'essaye. Mais laisse-moi cicatriser. Je ne veux pas que tu sois mon pansement. Je préfère aller doucement. Mon cœur est une épreuve, tu veux sauter les étapes. Je préfère aller doucement. Car mon cœur est une épave qui a déjà fait naufrage. Je me suis menti doucement. J'ai connu le drame ailleurs, je ne suis pas la même avec toi. Car ma peine est rouge sang. Je préfère le feu qui brûle qu'une étincelle avec toi. Doucement, Zao, vous en avez pensé quoi? Ouais, cool. Je serai directement ajouté à ma playlist, ça. Ah bah voilà, ça me fait plaisir. Sadek, S-A-D-E-C-K, vous pouvez retrouver toutes les chorégraphies qu'il fait. Et c'est donc symétrique, le mot que je cherchais. Symétrique. Voilà, ah, symétrique. C'est incroyable. En fait, il y a un groupe de personnes qui font des mouvements avec un espèce de jeu de lumière. Et voilà, ils sont tous... C'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il faut le voir. Voilà. Ça t'a plu ? Ouais, très bien. Ouais, super. C'est bien. Super. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la pochette de ton album ? Ouais, bien sûr. Est-ce que ce sont tes mains que l'on voit ? Et c'est exactement mes mains sur le piano. Bah oui, c'est une amie du marché couvert. Elle s'appelle Sandrine. Elle s'occupe de. Enfin, elle vend des traiteurs. Ouais, ok. On peut le dire. Mais elle a toujours son appareil photo sur elle, okay. un bel appareil photo. Et puis un jour, elle m'a pris alors que je faisais du piano au marché couvert, elle m'a pris mes mains. Quoi. C'est pas vrai, tu fais du piano au marché couvert, d'Épinal. Super. Et j'y vais souvent et puis un jour elle m'a pris en photo et puis j'ai gardé ce petit truc cette petite photo qu'elle m'avait fait. Je la trouvais super sympa et puis du coup ça allait bien et puis ça allait bien avec le verso de la pochette et c'est Lucas Bobenrit qui est on va dire graphiste. Je lui ai donné l'image que je voulais. Et il m'a fait ça bien sur un bon logiciel de dessin et tout ça. Et puis, j'en suis content de ma petite pochette. Mais oui. Ouais, voilà. Qui a collaboré justement avec toi pour créer cet album ? Qui t'a aidé ? Qui a participé près, de loin ? De près, de loin, Airplay, Dorian, Mousse, et puis Lucas Bovenrin pour la pochette. Mais sinon, c'est vrai que c'est très personnel. C'est moi qui fait tout, quoi. Alors, c'est peut-être pas. Parfois, il faut savoir s'entourer, je pense. Mais c'est vrai que moi, j'ai un. Pas dire un tic, une. C'est de faire tout. J'aime bien quand c'est moi qui fait tout, quoi. T'es dans le contrôle, quoi. Ah ouais, un peu trop dans le contrôle, peut-être, parfois même. Mais voilà. Donc, j'ai fait tout seul, sauf, c'est sûr, le mixage et le mastering, c'était important que ce soit quelqu'un de pro qui fasse ça, hein, vraiment un ingénieur du son, quelqu'un qui travaille le son très bien. Et, bien sûr. Donc voilà. Super. Et c'est vrai que il faut que j'apprenne un peu à m'entourer. Ça, c'est un peu ce que je me dis maintenant. Ça viendra. En temps et en heure. Peut-être. Est-ce qu'on peut te suivre tu nous disais quelques sons sur YouTube. Est-ce qu'on peut te suivre sur une page YouTube? J'ai ma page YouTube, c'est-à-dire quand on tape Albe Sentiment, par exemple. Sentiment, c'était le son de mon EP. Albe Sentiment, et puis on tombe sur ma page. Puis on voit, je sais plus ce qu'on voit. C'est le, je crois que l'espèce de coucher de soleil avec des barbelés là. Il y a un petit, une petite image. C'était l'image que j'avais pour mon EP, la pochette. Et en fait, on tombe sur ma page YouTube. Okay. Voilà, on peut regarder. Il y a plein de sons, mais vraiment beaucoup de sons que j'ai mis, dont beaucoup de cet album là. Je te l'écrirai. Donc voilà. Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs sur les réseaux? Sur Facebook, un petit peu. Oui, j'ai une page. J'aurais dû noter. Non, c'est Albe Officiel. Il me semble que c'est Albe Officiel. On note ça. Voilà. Je partagerai ces informations avec le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as des grands projets, enfin des projets futurs? Des projets futurs, bah moi j'ai toujours plein de chansons, c'est mon problème. Et ouais, j'ai plein de chansons, mais j'ai pas ressorti un album maintenant, oui. Au bout d'un mois. Que j'ai, voilà. Mais oui, j'ai bah des projets, disons. Bah j'ai quand même des petites valses au piano. Et c'est vrai que j'aimerais bien. Je m'intéresse un peu au monde du cinéma, la musique de film ou des choses comme ça. C'est vrai que ça m'intéresserait bien de faire un. Genre une collaboration avec mais il faut que je trouve le collaborateur, genre quelqu'un qui fait un film ou ouais un, qui fait un long métrage ou un court métrage ou je sais pas quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup de valses, des petites valses au piano, et c'est vrai que je me dis ça irait bien dans un film. Il y a parfois, des boîtes de production oui. Visuelles ici dans le coin. C'est vrai. Bah oui, faudrait que je me renseigne un peu plus. En tout cas, ouais, j'y pense à me renseigner pour parce qu'on m'a même fait la remarque que les sons que je peux faire en chanson ou hip hop, c'est un peu, il y a un côté un peu pas cinématographique, je sais pas comment appeler ça, mais ça irait bien dans un film par exemple, je super. Pense. Donc voilà, j'y pense un petit peu. Je vais voir si ça marche. On a passé un super bon moment tous ensemble. Très bon cette moment. Émission, elle est passée à toute vitesse. J'espère que vous avez apprécié tous les trois. Très très bien. Très très bien aussi. Ouais. C'est cool. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions là? Une dernière. Allez, vas-y. C'est quelle musique que t'as pris le plus de plaisir à écrire? Que j'ai pris le plus de plaisir à écrire. Je sais pas si c'est celle où je dis que t'es belle comme une ex. Je sais pas si c'est celle-là. Non, rester celle-là. Hein. Ouais, ça va devenir une référence. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des. Tous mes sons de hip-hop en général, les petits rap que je peux écrire, bah, y en a une qui s'appelle Atmosphère dans la. Et c'est vrai que où je parle du. Enfin, je m'inspire de plusieurs histoires que j'ai pu voir. Et c'est vrai que c'est un texte que j'aime beaucoup, et j'aime bien écrire du rap. Oui. J'aime bien écrire des longs textes là, d'écrire un peu comme des histoires, oui. Ou des voilà. C'est vrai que c'est des textes que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien faire, quoi. C'est ça que j'aime bien faire. Ouais. Génial. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Eh bah, ben, plein de bonnes choses, j'espère. Non, mais bah pour la suite, bah je te dis cette espèce de projet là que je peux avoir de pouvoir un peu être en contact avec le monde du cinéma. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Quoi. Allez, pourquoi pas. Beaucoup. Bah voilà, faut espérer. Maintenant, j'ai plus qu'à espérer, maman. Je t'envoie plein de bonnes ondes. Voilà, et super. Vous, les garçons, qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite, Théo? Tiens. Bah, de réussir, enfin, je sais pas, de continuer, ouais, toujours dans la musique, voilà. Génial. Et toi? Et moi, d'être encore plus marquant, de créer des textes en plus poignants, peut-être. Ah, allez. Il faudra que tu nous en parles de tes textes, un de ces quatre. Ouais, peut-être. Vous revenez lundi prochain? Oui. Alors, lundi prochain, Kylian, Théo seront dans l'odeur du son. Ils me sont spécialement consacrés à vous. Donc, ramène tes textes. On en parlera à d'accord. ce moment-là. Moi, je vais créer spécialement pour l'émission, du coup. Ah ouais, génial. Allez, deal, on fait ça. Je vais pas mettre le générique de cette émission. Je vais mettre Valse 200. Oh, super. Ouais, bah merci. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Bah, Valse 200. Le nom de Valse 200, en fait, c'est parce que c'était un peu ironique à la base. C'était. Parce que comme j'ai fait énormément de valses au piano, j'aime bien composer des petites valses au piano comme ça. Et je l'ai appelé Valse 200 un peu ironiquement. Je me disais, c'est la 200e valse que je fais. Okay. J'ai gardé le nom. Mais sinon, oui, c'est. Je sais plus exactement dans quelle ambiance j'étais quand j'ai composé ce truc-là, mais c'était. On va voir. J'étais certainement très, très bien. Eh ben, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Cette émission, elle sera podcastée dès demain sur notre page et notre profil Radio Gemozo. Elle sera également rediffusée ce jeudi à midi pour ceux qui ont envie de se faire plaisir à la réécouter ou ceux qui en auraient manqué un petit bout. En attendant, auditeurs, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Gemozo. Merci de ta fidélité au 107 et puis je vous embrasse tous. Ouais. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Allez, à tout bientôt.